À cheval sur la mesure, coincé entre drogue et misère. J'entame un rodé au verbal, de quoi faire trembler l'hémisphère. Faudra bien finir par s'y faire, on a peu de droit à part souffrir. Ma vie, moi j'en suis pas si fier, vu les cadeaux qu'on voit s'offrir. Je jongle avec les mots, l'ami quand je pose c'est pour les miens. Mon flow tu peux ne pas l'aimer, mais je te conseille de parler bien. Par le biais d'un rapotin, j'ai vu toutes sortes de baratins. Ce qui fait bouger les popotins, c'est clair qu'on en veut pas putain. Dans le rap c'est nous les bons, tu voulais tête, tu ferais mieux de jeter l'éponge. Rodé au verbal, comme les cowboys mais sans les éperons. Faut qu'on s'adapte, maintenir le cap, on voit les bourges s'enfuir. Les tours s'enlisent, ici ça se tape comme des pigeons autour d'un bout de sandwich. Niveau peura dans tout Paris, je suis en tête. Certains veulent qu'on m'enterre chez les bolos, pareil que je suis en tête. Mon son démonte, toi tu découvres le monde comme un monde qui naît. Tellement tu cherches, tu vas finir sponsorisé par Kleenex. Le TSR crew monte le beat comme un rodéo. Drogué au rap, je sur le bise à l'aide de gros bédos. Un rodéo verbal qui renverse pas les radios. Un rodéo verbal dédicacé au radio hall. Le TSR crew monte le beat comme un rodéo. Drogué au rap, je sur le bise à l'aide de gros bédos. Un rodéo verbal qui renverse pas les radios. Un rodéo verbal dédicacé au radio hall. Sentiment déchu, ça sent la snack, ça s'en fiche. La France me défigure, si j'arrête, je sors le zifu. Car à force de mes feux en l'air, j'ai foutu mes études, mes séputes. Voulais que je balaye quand moi je disais plus que le bout de mon nez. Ouais, je voulais beaucoup de monnaie, j'avais les bourses blindées. Donc je voulais beaucoup de seins à déboutonner. Au bout du compte, je vois que je suis déboussolé. Mais si j'ai plus ma route, j'ai le coupe-coupe pour débroussailler. Ok, je me mets en selle pour un rodéo à l'ancienne. Je suis prêt à envahir les scènes, faire toutes les villes, même Valenciennes. J'ai balancé un exercice de style de pro, un vrai rodéo. J'ai trop d'ego, il faut qu'on taille d'ici, j'ai trop rodé le vertu à profiter des ouvertures. J'aurais pas la haine envers toi si tu penses pas que nos vertus. Fumeur de verdure, 18ème, j'apprends d'un coin où tous les mecs frime. Je rappe pour les gars d'ici qui réveillonnent avec un grec frite. Ça y est, je prends le chromis, joue pas les durs, tu vas saigner. Je rappe à l'ancienne au silex, les rimes sous scellés. Je veux un rodéo verbal, alors arrive, prends cavalier. Maintenant t'as plus qu'à cavaler si tu sais pas faire autre chose qu'avaler. Viens pas vanner, rap c'est les vacances à la mer. Je mets à l'amende, en un claquement de doigts, je te mets dans la merde. On a rien à prouver, on a rien non plus à cacher. Si d'un micro on s'est pourvu, c'est qu'on a trop rien à cracher. Le TSR crew monte le beat comme un rodéo. Drogué au rap, je sur le bise à l'aide de gros bédos. Un rodéo verbal qui renverse pas les radios. Un rodéo verbal dédicacé au radio. Le TSR crew monte le beat comme un rodéo. Drogué au rap, je sur le bise à l'aide de gros bédos. Un rodéo verbal qui renverse pas les radios. Un rodéo verbal dédicacé au radio.